بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة النبأ لا نوفل في المسألة الحادي عشر بعد المئتين 111 مسألة في قوله تعالى لابسين فيها أحقابا dans ce sens où Allah dit qu'ils y demeureront des siècles successifs. Verset 23. قال رحمه الله تعالى تقدم وجه الجمع بينه وهو الآية المتشابهة له في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مع الآية المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع كقوله خالدين فيها في سورة الأنعام وفي الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله لقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة donc il a dit que nous avons dit assez tôt auparavant comme on lit entre les versets qui sont équivoques dans le fait que dans ce sens où Allah a dit qu'ils seront internellement c'est-à-dire dans le feu tant que les cieux et la terre demeureront hormis ceux à qui Allah aura voulu autre chose. Dans Sourate Hud, versets 107 et 108. Et comme on lit entre ces versets-là et les versets dans le sens où Allah dit que les koufars n'auront pas que leur châtiment ne cessera jamais. Dans le sens où il dit qu'ils seront éternellement dans le feu, Sourate Al-An'am. Et également, lorsqu'il a dit, dans le sens où il dit que le feu sera votre refuge éternellement dedans, hormis ce que Allah aura voulu. Dans l'An'am, verset 128. Donc, l'auteur dit que nous avons cité auparavant que le châtiment ne cessera jamais et que l'exception faite est cela lié à la machia d'Allah Azzawajal, à sa volonté. À sa volonté. N'arme. Et qu'également cela peut avoir un sens d'éternité comme le prouve la langue arabe. Donc, pour celui qui veut comprendre, on est aux anciens des audios qui traitent du sujet. Donc là, cette masala-là ressemble à celle-ci également. قال وما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآية الدالة عليه فمن ثلاثة أوجه. Donc maintenant comment joindre maintenant entre ces siècles successifs cités dans ce verset et le fait que le châtiment demeurera éternellement comme cela suscité dans les versets que nous avons cités en début de Mas'ala. Et cela en répondant trois façons. الأول وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة الظاهر القرآن عليه وهو أن قوله تعالى لابسين فيها أحقابا متعلق بما بعده أي لابسين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلى حميم وساقة فإن قضت تلك الأحقاب غذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم وساقة. Combien de réponses, c'est celle qu'a voulu Ibn Jarir également, qu'a vu Ibn Jarir, et qui est la réponse qui me paraît comme étant la plus claire, la plus proche de la vérité. Tout simplement que le fait de dire qu'ils y seront éternellement, qu'ils y seront plutôt des siècles successifs, cela est lié à la situation dans laquelle ils ne goûteront ni froid, ni fraîcheur, ni boisson, et qu'ils n'auront droit qu'à de l'eau bouillante, et du pu. C'est-à-dire que leurs siècles successifs seront liés à ce châtiment spécifique. Et qu'une fois que ces siècles successifs seront terminés, ils passeront à un autre châtiment. Ainsi de suite. Car nous l'avons dit que les châtiments varient. Yom el-Qiyama, ils peuvent se décupler. Quand même, qu'ils peuvent se décupler également. Donc là, c'est la réponse de l'auteur. Qala يدل لهذا تصريحه تعالى بأنه يعذبون من أنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله تعالى هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج et Allah dans le Coran l'a clairement dit qu'ils auront différents châtiments autres que l'eau bouillante et l'eau bouillante et le pu dans le sens où Allah dit et cela pour qu'ils goûtent justement l'eau bouillante et le pu et d'autres punitions du même genre. Sourate Sad, verset 57 et 58. Donc là, le shahid, lorsqu'il dit « وَاخَرْ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَجْ » et d'autres punitions du même genre. Donc ça, c'est la première réponse que l'auteur y donne. « الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا رواه ابن جرير عن قتادة والربيع ابن أنس وقال إنه أصح من جعل الآيات في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد ابن معدان. » Et tout simplement que ces siècles-là, les réponses successives, ne s'arrêteront jamais. Ce sont des siècles successifs, l'un après l'autre, ce qui n'inclut pas forcément qu'ils s'arrêteront un moment. Et ça, c'est justement une chose rapportée par Ibn Jalir, selon Qatada et Rabi ibn Anas. Et ce n'est plus authentique que de dire que ce siècle-là concerne seulement les désobéissants des musulmans, c'est-à-dire qu'ils seront pendant des siècles successifs dans leur azab, et que par la suite, ils seront sortis de l'enfer. Et cela va être... Ce call va être annulé par la suite, comme l'auteur va le prouver, que ce call-là n'est pas valable. وثالث, troisième réponse, أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على تناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف وتأبيد مصالح به منطوقا والمنطوق مقدم على المفهوم كما تكرر في الأصول. Donc il dit maintenant, si nous accordions que le fait de dire أحقابا, cela inclut que cela cessera un jour, c'est une compréhension, c'est, alors ce serait une preuve basée sur une compréhension du contenu du verset. Alors qu'on a d'autres versets qui, eux, expliquent ou clarifient clairement l'éternité et qui sont des versets clairs et prononcés. Et dans la science des Usul al-Fiqh, lorsqu'on a deux adillah, un dalil qui est pris d'une compréhension et un dalil qui est pris d'une prononciation, c'est-à-dire une chose qui est dite clairement, le dalil pris de la prononciation devance l'autre dalil qui est pris de la compréhension. Et cela, Inch'Allah, pour celui qui veut comprendre cette règle-là, qui revient au douloureux de Usul qu'on avait pris dans Al-Usul bin Al-Usul de Cheikh Al-Saymin, rahmallahu ta'ala. Donc, le verset prononcé et clair devance les versets compris. Et, وَقُلْ خَالِدِ ibn Ma'dan أَنْ هَلِ الْآيَةِ فِي رَسَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَرُدُّهُ ظَيْرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَهَوْلَ كُفَّارٌ وَهَوْلَ كُفَّارٌ. Donc ce qui est apporté de Khalid ibn Ma'dan, que ce verset concerne les muslimouns qui ont été désobéissants, c'est-à-dire leur châtiment du feu, que par la suite ils en sortiront, ce qu'on-là a été réfuté par la parole du Coran. Parce que là, dans le sens où il dit qu'ils ont démenti nos versets, clairement. Et le takzib du Coran, le fait de démentir les versets, c'est du kufr. Ça ne concerne pas les muslimouns. Donc ceux-là sont les kuffars. هَذَا وَقُولَ الْمُؤَلِّفِ يَدِي الْمَسْأَلَةِ وَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.